Bonjour frères et sœurs, nous sommes encore ce matin dans l'évangile de Jean et nous allons terminer ensemble ce chapitre 11 qui nous a appris une grande vérité par rapport à Jésus. Il est la résurrection et la vie. Donc c'est ce que nous allons terminer ce matin en regardant la réaction que ce miracle a eue sur la foule immédiate qui était là et qui a assisté à ce miracle et les autres qui en ont entendu parler. Mais nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes heureux et contents ce matin, encore une fois, que ta parole est une lumière sur notre sentier. Sans cette parole, nous sommes sans aucune direction, sans aucun principe pour diriger nos vies, sans aucune vérité pour te connaître. Donc, c'est à travers cette parole que nous connaissons notre Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc, que ton esprit puisse, encore une fois ce matin, nous diriger afin de comprendre ce que tu es en train de faire dans ce monde. Au nom de Jésus, amen. Je vais commencer par résumer. C'est l'histoire d'une famille de trois personnes, Marthe, Marie, Lazare. Et Lazare, leur frère, est malade et les deux sœurs envoient des serviteurs pour chercher Jésus parce qu'ils veulent que Jésus intervienne afin de guérir leur frère. Et quand les serviteurs arrivent et qu'ils disent à Jésus que Lazare est malade, Jésus décide de ne pas aller tout de suite vers Lazare pour le guérir. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle va servir. Elle va servir à glorifier Dieu et à glorifier celui que Dieu a envoyé, Jésus. Donc Jésus attend 4 jours avant d'aller. Il attend 2 jours. Mais quand il va arriver, on a vu ensemble, quand il arrive à Béthanie, ça fait 4 jours que Lazare est mort. On a vu ensemble que Jésus a comme but premier, non pas le bien-être des êtres humains, mais la gloire de Dieu. Et sa propre gloire. Il ne va pas nous éviter la souffrance, la maladie, ou la mort, ou les épreuves. Mais à travers tout cela, il y a un désir unique, glorifier Dieu et se glorifier lui-même. On a vu ensemble que, après qu'il ait attendu 2 jours, il monte à Béthanie, et rendu à Béthanie, là, il va rencontrer Marthe et Marie, et Marthe et Marie expriment leur foi. Ils ont une foi en Jésus, mais le contenu de leur foi n'est pas complet. Il fait défaut, cette foi-là. Ils ont besoin de comprendre plus qui est Jésus, quel est son but en venant sur la terre. Donc, ils expriment leur foi en Jésus, mais Jésus dit, « Je vais vous emmener plus loin. » Et c'est là qu'il va déclarer à Marthe et Marie, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, ne mourra jamais. Mais s'il meurt, il continuera à vivre. » À première vue, ça nous semble contradictoire. Mais c'est parce que Jésus parle de 2 sortes de mort et de 2 sortes de vie. Celui qui croit en lui ne mourra jamais, spirituellement parlant. Mais celui qui meurt, physiquement parlant, continue à vivre. Spirituellement parlant. Donc, il n'y a pas de contradiction, mais il faut comprendre que Jésus veut emmener Marthe et Marie, et la foule qui est là, veut les emmener à voir le côté spirituel de l'événement, et non pas seulement le côté physique. C'est la tendance. La multitude qui n'a pas vu le côté spirituel des miracles de Jésus, la raison spirituelle derrière tout cela, finalement, vont crier « Crucifie-le ! » Ils n'auront pas compris. Ils ne vont jamais se convertir. ceux qui n'ont pas compris derrière le miracle des pains, de la multiplication des pains, qu'ils n'ont pas compris que Jésus était le pain de vie. À la fin du chapitre 6, c'est une grande foule, une grande partie de ses disciples l'abandonnent pour ne plus jamais venir avec lui. Ils ne comprennent pas. Donc Jésus, on a vu, a ressuscité Lazare afin que Marie voie la gloire de Dieu, afin que Marthe voie la gloire de Dieu, afin que la foule voie la gloire de Dieu et qu'il croit que lui est l'envoyé de Dieu. Si lui est l'envoyé de Dieu, lui est glorifié et Dieu qui l'a envoyé est aussi glorifié. Et ce matin, nous sommes rendus à la réaction de cela. Qu'est-ce qui se passe maintenant suite à cela? On va voir qu'il va avoir une réaction double. Une vers la vie et l'autre vers la mort. Mais pour qu'on comprenne, nous allons aller lire ensemble, si vous voulez bien, le chapitre 11 à partir du verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent : Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit : Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas ça de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête? » Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Deux réactions. Première réaction, verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Le mot « crure en lui » n'est pas toujours l'équivalent de le mot « croire », mettons qu'on retrouve dans les Actes des apôtres. Et on voit qu'il y a des gens qui croient dans l'Évangile de Jean, mais qui n'en font pas l'aveu, par crainte des hommes. Il y en a qui croient, mais un peu plus loin, ils ne croient plus. Mais ici, ils ont cru. Ils ont cru que Jésus était l'envoyé de Dieu. Ils ont cru que Jésus était capable de ressusciter les morts. Ils ont peut-être cru que Jésus était la résurrection et la vie. Mais vont-ils aller jusqu'au bout? Vont-ils ajouter à leur foi Jésus mort en croix pour les péchés du monde? Jésus ressuscité dans les morts? Nous ne savons pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont cru. Ils ont cru, ils sont allés plus loin dans leur foi. Et j'ai dit, et je vais le redire en s'en allant, ce que nous avons cru le jour que nous avons été sauvés, c'était très peu de connaissances. Très, très peu de connaissances. Je me suis converti sans avoir entendu parler du Saint-Esprit. Je me suis converti sans avoir entendu parler de la résurrection. Et je dis souvent que ce n'est pas de dire oui qui est aussi important que de toujours dire oui. À fur et à mesure que l'Esprit de Dieu nous enseigne, à fur et à mesure que l'Évangile se dévoile à nos yeux, à fur et à mesure que la parole de Dieu nous enseigne des vérités, nous allons toujours dire oui. Et c'est la preuve que l'Esprit de Dieu est en nous et que c'est lui qui nous convainc et qui nous illumine et qui nous guide. Ceux qui disent oui avec la chair, c'est juste une question de temps. Ils vont finir par dire non et ils vont partir. Mais il y en a qui ont cru. Comme j'ai rencontré aussi des gens à qui j'ai témoigné, qui ont cru. Mais après un certain temps, en leur annonçant autre chose, ils ne croyaient plus. Et ainsi se manifestait leur incrédulité. Ainsi se manifestait que la foi qu'ils avaient n'était pas de Dieu, mais une foi, je dirais, humaine. Et la plus grande partie du texte qu'on a lu parle de ceux qui n'ont pas cru. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Il y en a d'entre eux qui n'ont pas cru. Et là, les pharisiens, en entendant cela, vont réagir. Au verset 47, il semble croire que Jésus fait des miracles. Il dit, cet homme fait beaucoup de miracles. Il voit les miracles, mais les miracles ne sont pas suffisants pour amener à la foi qui sauve. La foi qui sauve est un don de Dieu. La foi qui sauve vient du fait qu'on a reçu cet esprit qui nous a convaincus, qui nous a fait naître de nouveau. Ces gens-là croient que Jésus fait des miracles, mais ils ne veulent pas suivre celui qui a fait les miracles. Ils ne veulent pas croire celui qui a fait les miracles. Ils ne veulent pas se soumettre à celui qui fait les miracles. Et là, il dit, si nous le laissons faire, les Romains vont venir, ils vont détruire notre nation, ils vont détruire notre ville. Donc, ils sont plus soucieux de leur bien-être matériel et physique et terrestre que leur bien-être spirituel. Il y a quelqu'un dans leur milieu qui fait des miracles et qui enseigne la parole de Dieu et qui veut conduire les gens auprès de Dieu, mais ils ne croient pas à cela. Ils sont plus soucieux de sauver leur peau que de sauver leur âme. Et là, Caïphe, qui est au milieu d'eux autres, va dire une parole que si Jean ne l'avait pas interprétée, inspirée du Saint-Esprit, on pourrait penser que Caïphe, il fait juste lui aussi sauver sa peau et sauver le peuple. Il dit, c'est dans l'intérêt du peuple que cet homme-là meurt, afin que la ville et le pays ne soient pas détruits. Veux-tu d'en faire mourir un qu'un que d'en faire mourir plusieurs? Mais Jean interprète cela, poussé par l'Esprit de Dieu, et il dit, ce que cet homme vient de dire, ça ne vient pas de lui. Ça vient de Dieu, c'est une prophétie qui parle au sujet de Jésus et qui dit quoi? Jésus est celui qui va mourir pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés sur la face de la terre. Ce n'est pas seulement que les Juifs, mais les gens aussi de d'autres pays. Donc Jésus est le Messie. Cette prophétie-là, cette annonce que Jésus est le Messie, mais elle est annoncée par un païen, elle est annoncée par une personne qui ne croit pas. Dieu peut se servir de n'importe qui pour amener une vérité. J'ai vu des hommes et des femmes se convertir au Seigneur par des gens qui leur ont amené la parole, et ces gens-là n'ont jamais été convertis. Ils venaient à l'église, mais quelques temps après, ils sont partis. Et les autres qui sont venus au Seigneur sont restés à l'église jusqu'à ce jour. Donc, Dieu peut utiliser des païens. Dieu peut utiliser de la matière, comme une Bible qui est juste du papier. Du papier qui dit la vérité. Dieu peut utiliser un radio, une télévision qui va dire la vérité. Et les gens vont se convertir. Ce n'est pas celui qui dit la vérité qui est important, mais la vérité que l'Esprit de Dieu utilise pour sauver les vies. Ici, l'Esprit Saint a utilisé un homme non sauvé pour dire une grande vérité au sujet de Jésus. C'est lui le Messie qui devait venir. C'est lui qui va rassembler le peuple de Dieu ou tous les enfants de Dieu qui sont dispersés parmi les Juifs et parmi les nations autour. Donc, à partir de ce moment-là, ils veulent le faire mourir. À partir de ce moment-là, ils avertissent le peuple qu'ils doivent dénoncer Jésus. Ils vont mettre une pression très forte. Et ça, on va voir au chapitre 12 que beaucoup vont croire en Jésus, mais ne feront pas jamais l'aveu de par crainte des Juifs. Un peu comme les parents de l'aveugle-né, qui aiment mieux faire partie de la synagogue que de faire partie du peuple de Dieu. Ils ont crainte des hommes plus qu'ils ont crainte de Dieu. Donc le Seigneur nous dit, nous montre qu'il va y avoir deux réactions à l'enseignement de la parole. Si jamais vous utilisez Jean chapitre 11 pour enseigner à quelqu'un une vérité, cette vérité que Jésus est le Christ, que Jésus est la résurrection, que Jésus est la vie, vous allez avoir deux réactions. Certains vont croire et certains vont pas croire. Même quand Jésus les a dit, même quand Jésus était l'évangéliste ou celui qui annonçait l'évangile, il y a toujours eu la même réaction. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. C'est la même chose pour nous. Il y en a qui croient et il y en a qui ne croient pas quand on enseigne. Ce n'est pas qu'on est des bons ou des moins bons évangélistes. Ce n'est pas qu'on est des bons ou des moins bons chrétiens. C'est juste que des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Il faut une intervention spirituelle afin que certains croient. Pour nous qui sommes croyants, nous sommes de ceux que Jésus a rassemblés par sa mort, par sa résurrection, par l'envoi du Saint-Esprit. Il nous a rassemblés en un seul corps, nous, les enfants de Dieu de la terre entière. Tous les croyants de la terre entière, peu importe dans le mouvement dans lequel ils sont, s'ils croient en Jésus, ils font partie du peuple de Dieu, du corps de Jésus-Christ ou du corps de Dieu. En une seule unité, c'est lui qui fait l'œuvre. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu as envoyé Jésus afin qu'il puisse nous ressusciter d'entre les morts, spirituellement parlant. Et ultimement, tu vas nous ressusciter aussi physiquement, afin que nous puissions vivre avec tous les autres, de toutes les races, de toutes les nations de la terre, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, afin de pouvoir te glorifier et te servir. C'est par ta mort que tu as racheté. Nous voyons cela dans l'Apocalypse, chapitre 7. Tu as racheté de toutes les nations du monde, des hommes et des femmes. Et tu as formé un seul corps, une seule entité, un seul peuple. Nous, on est tous dans nos petits coins avec nos petits noms, nos petites bannières, croyant que dans notre petit groupe, on est mieux que dans l'autre groupe. Mais tous ceux que tu as sauvés par ta mort, et que tu as appelés, et que tu as fait naître de nouveau, et que tu as donné la foi et la repentance et le don du Saint-Esprit, forment un tout sous ta bannière. C'est toi qui es la tête du corps. Et nous te glorifions pour nous avoir unis. Merci d'avoir ouvert nos yeux afin qu'on comprenne ces grandes vérités. Et c'est au nom de celui que tu as envoyé que nous te prions. Amen.